Bon, t'as reconnu le style ? Quoi de neuf à Paris, à part qu'on va réentendre ma voix. Le savoir est une arme, les jeunes sont armés et le font savoir. Les gants de boxe, oublions, faut du cash pour Bangkok ou sinon direction Languedoc, Roussillon. T'as pas de chance, arrête d'insulter le croupier. Entouré de béton, comment peut-on couper l'herbe sous le pied? Depuis le départ, on me pousse à la faute. Mes mots en guise de projectiles, mes objectifs sont revus à la hausse. Pas besoin d'une douzaine de fiottes, je marche seul, les poches humides, car j'ai plus de liquide qu'une bouteille de flotte. Trop de traîtres, même si j'ai les mots, je parle pas. En garde à vue, les keufs te cuisinent pire que mots valent pas. Ça fait cogiter quand les dollars parlent. Ne viens pas ici, la nervosité est trop palpable. Au lieu de se jalouser, venez on se parle. Venez on échange, venez on se bat pour des choses qui ont du sens. Venez on se tape, on se plie en quatre pour des sujets qu'on défend. Au pire on se casse, mais on se lâche, hop, qu'on monte ou qu'on descende. J'entends en boucle qu'on n'a pas le temps pour. Au mieux prends tes jambes à ton cou, au pire on prendra ton pouls. En cas d'embrouille c'était RDV devant la gare. Pendant que tu matais la TV et que tu te marrais devant la gaffe. C'est mardi gras, les jeunes sont masqués, donne ton mandat cash. Ils ont la force de frappe des bras, mets tes quatre gardiens dans la cage. Toujours les mêmes erreurs que tes potes réparent. Tu dis que tu vas changer, que le 1er janvier sera ton top départ. 0 euro d'épargne, n'est-ce pas? N'as-tu pas l'impression de tourner en rond comme un torero d'Espagne? Tous prêts à tout pour rouler en Mercedes. La rubrique fait divers est plus épaisse que Pierre Ménès. On dit le son, le lâche pas. Mais reste tout simple, ok, 2 ans et je disparais. Hashtag Estelle Mouzin. C'est plus des phrases, c'est des droites, gauche, crochets. Si tu voulais me clasher, je te conseille pas trop ce projet. Avec le temps t'as rien, juste de l'âge que t'as pris. Tu pourras peut-être me battre si t'as le même arbitrage que t'as pris. Fais gaffe au michto qui surveille ton Porsche Cayenne. Y'a que le train qui est pas passé dans la gorge d'IM. Fais pas le show, mais ça dès le départ on le sait. Sinon c'est AK-47 et fuite dans le premier 747. T'es dans le business, t'as du mal à dormir. Tête de con, 2 balles dans ta tête pour un sommeil de plomb. Nos parents flippent, c'est ce qu'ils pensent tout le temps. Ils aimeraient bien qu'on revienne à nos 10, 11, 12 ans. Je m'en fous de ton horoscope et de ta saison du coq. Je verrai la vie en rose si tu me donnes la combinaison du coffre. Tu cherches du taf, tu cherches en te foutant du poste. Les politiques cherchent des solutions en faisant du golf. Paris c'est gris, je m'en fous, il se peut qu'il neige. Tu joues dans la poudreuse, les keufs te lèvent à l'heure du petit-déj. On court après, que disais-je? Assis, tu veux ton cul assis dans un Audi A6, cuir semi-beige. Toujours pas sous les projecteurs, j'écris sous la lampe. Côté cœur, y'a pas que mes textes que ta me fasse sur le bout de la langue. Tu traînes tard, t'as des cernes de fou. Tu te demandes qu'est-ce que je fous. Tout le monde te questionne, tu restes flou. T'es en tèche dessous, tu bois 24 sur 24 pour que tu restes sous. Si tu cherches des meufs, un conseil, cherche les bonnes. J'en ai mis trop dans mon panier, on m'appelle James Lebron. Au fait je cherche des prods, pas à me faire des potes. J'ai les mêmes depuis l'époque où je collectionnais les POG. Ça pue le fauve, vous voilez pas la face. Y'a pas la place pour les faux, j'ai plus de flow qu'à Palavas. J'aime partir en week-end ou me barrer 10 jours. J'aime pas quand on m'appelle quand je ken ou quand y'a Paris qui joue. J'ai pas envie que tu sois mon allié, t'es tout pourri. Ça saute aux yeux, même à ceux de Gilbert Montagnier. Mentalité pour gagner, j'aime pas perdre si je joue. Je vais ni lire, ni approuver, ni signer le contrat ci-dessous. J'ai une vie à la moyenne, dis-moi qui se plaint de quoi. À l'école je voulais pas la moyenne, je voulais 6.3. Je mérite un numéro d'artiste, style 23. J'allais revenir avec du lourd, j'ai dû le dire 15 fois. T'as reconnu le style ?